Bonsoir chers auditeurs de Radio Vibration. C'est l'heure de Milky Waves. L'émission qui fait un carton. C'est dimanche soir. Et de 21 à 22h, nous avons droit à une excellente musique électronique. Cette semaine, c'est l'épisode 23. Et c'est Groove Jesus qui est derrière les platines. Nous entamons cette émission en douceur avec un morceau sorti sur le récent label Second State, créé par Panpot. C'est bien ça, Panpot. L'artiste s'appelle Clint Stewart et le titre c'est Look Into the Sun. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks Groove Jesus. The show. c'était Clean Stewart avec Look Into The Sun. Vous écoutez toujours Milky Waves, mixé par Groove Jesus cette semaine avec le Raf au micro. L'artiste suivant que nous allons écouter s'appelle Pizetta. Le titre s'appelle Remedios et c'est remixé par Ramon Tapia, un artiste très réputé mondialement pour sa musique de qualité, et également mixé par Stavros. Voilà, on écoute ça. c'était Pizeta avec Remedios. Vous êtes toujours à l'écoute de Milky Waves, l'émission de musique électronique sur Vibration. Et le prochain morceau de la sélection de Groove Jesus, c'est le producteur allemand Paul Kalkbrenner avec le titre Sky and Sand, et c'est un Robax Borsi Alpaca Rehand, un remix de maître. On écoute ça. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. And you're Écoute sur Milky Waves, Sky and Sand de Paul Kalkbrenner. On enchaîne avec une très belle sortie sur le fameux label allemand Swall. Il s'agit de Patrick Chardonnay avec le titre Shibuya. C'est parti. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Nous venons d'écouter Patrick Chardonnay avec Shibuya. Vous écoutez toujours l'émission Milky Waves sur Vibration, vibration.fm ou 107.2 Bruxelles. Toujours avec le RAF au micro et Groove Dizzes évidemment au platine. On continue avec un remix deep techno terrible. C'est System 7. Le titre c'est Positive Noise et c'est remixé par la star techno de Détroit, j'ai nommé Carl Craig. C'est parti. This is Milky Waves, hosted by RAF, with on the decks, Groove Jesus. C'était System 7 sur Milky Waves avec Positive Noise, un Carl Craig remix. Le prochain track de la sélection de Groove Jesus, il s'agit de Recondite, l'artiste bavarois qui revient sur le devant de la scène. Et le titre c'est Caldera, c'est parti. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Voilà, l'écoute, c'était Recondite avec Caldera. Le prochain track de la sélection de Groove Jesus, c'est Atom. C'est un petit peu issu de l'univers Kraftwerk avec des basses très hypnotiques comme ça. Et le titre, c'est Ich bin meine Maschine, un Function Remix. On découvre ça. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Groove Jesus. Voilà, quand je vous disais que ça faisait un petit peu penser à Kraftwerk, Ich bin meine Maschine, c'était Atom. Machine. Toujours sur Milky Waves avec le Raph au micro et Groove Jesus au platine, on entame les 10 dernières minutes de cette émission déjà. Alors, on continue avec un duo qui ne cesse de monter en popularité depuis 2009, il s'agit de Benoît et Sergio. Leur titre, c'est Beat Macho, un original mix. Machine. Le morceau que nous venons d'écouter a été élaboré par le duo Benoît et Sergio. Il s'agissait de Beat Macho. Voilà, nous allons déjà nous quitter, que cette heure est passée vite. On va se quitter avec Sacha Robotti et Look Like. Le titre c'est Loca Lola. C'était une sélection de Groove Jesus avec toujours le Raph au micro. J'espère que vous avez passé une excellente heure. En tout cas, moi, j'ai passé une très bonne heure. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour Milky Way sur Vibration. Voilà, passez une bonne semaine. Bye bye.